بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد chers frères et sœurs en islam, bienvenue à notre deuxième séance sur de notre série de cours sur les héritiers des prophètes qui traite encore une fois de la connaissance ou bien du savoir, ça veut dire de l'ilm dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, et toujours avec le premier chapitre qui traite de l'importance de la connaissance, ça veut dire ahamiyatu al-ilm, l'importance de la connaissance. Et plus spécifiquement, on a commencé avec la première section dans laquelle on a parlé de l'importance de la connaissance selon le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et maintenant, on passe à notre deuxième section qui nous parle de l'importance de la connaissance, du savoir, selon la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire, qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit au sujet du savoir et des savants? On commence avec un hadith, oui. Tu as dit les questions avant de... Donne-moi le temps de mentionner un hadith et après ça on revient aux questions. Au moins je pourrais sentir que j'ai fait quelque chose. Hadith de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu qui a dit... سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول j'ai entendu le prophète عليه الصلاة والسلام dire من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, celui à qui et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il va lui accorder al-fiqh dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi al-fiqh dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-fiqh, ce n'est pas juste la jurisprudence. Al-fiqh, en réalité, ça veut dire la bonne compréhension. La compréhension qui est profonde. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien, il va lui accorder une compréhension qui est approfondie, qui est précise de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, comme dans ce hadith qui est authentique. Oui, il y avait une question. Non, ici, comme les ulama, ils ont dit que c'était pour l'asma et l'af'al. Ça veut dire le nom de toute chose, de toute créature, ainsi que le verbe. Ça veut dire comment s'exprimer en quelque sorte. Ça veut dire en apparence, wallahu ta'ala a'lam, c'était la langue de pouvoir en quelque sorte communiquer. Ça veut dire la langue, initialement, elle nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la capacité de communiquer, de connaître, de nommer les choses, etc. Non. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Dans ce verset spécifiquement, al-hikma, comme les ulama ils ont mentionné, on a déjà mentionné la parole de Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala. Al-hikma ici, c'est la connaissance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au sens de la connaissance, pas au sens de la sagesse au sens général. Au sens de la connaissance. Exactement, la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle personne qui n'a pas nécessairement une grande forme, qui a une connaissance, mais c'est quand même... Oui, exactement. Toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une connaissance qui est approfondie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-hikma. Le prochain hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un long hadith, mais à la fin, ce qui nous intéresse, فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُ. Il dit alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre vous dans al-jahiliya, c'est quoi al-jahiliya? Al-jahl, c'est l'ignorance. Al-jahiliya, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger dans la langue arabe entre al-jahl et entre al-jahiliya. Al-jahl, c'est l'ignorance. Tu peux être un ignorant, je ne connais pas. Ajahlu hadha al-amr, je ne connais pas, ce n'est pas de ma faute, voyez-vous. Al-jahiliya, c'est le sens opposé de l'islam. Ça veut dire la vie qui était pré-l'islam, ça veut dire avant la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle la vie de al-jahiliya. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Le meilleur d'entre vous, fakhiyarukum fil jahiliyati, lors de cette ère de pré-islam, de al-jahiliya, sera le meilleur d'entre vous dans la vie de al-islam. Ça veut dire en d'autres termes, si on va dire que les compagnons du prophète, la majorité d'entre eux, ou bien surtout les premiers qui étaient avec lui, alayhi salatu wasalam, étaient entre guillemets des convertis, ça veut dire ils n'étaient pas des muwahhidin, ne savaient pas c'était quoi l'islam, avant la venue du prophète, alayhi salatu wasalam, pour beaucoup d'entre eux. Et quand le prophète, alayhi salatu wasalam, est venu, ils se sont convertis à l'islam, à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, le prophète, alayhi salatu wasalam, le meilleur d'entre vous, avant sa conversion, avant qu'il ne soit musulman, va être le meilleur d'entre vous après sa conversion. Avec la condition, idha faqahu, s'ils comprennent bien la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est la seule condition. Ça veut dire, tu n'étais pas musulman, tu es devenu musulman, tu étais quelqu'un de dignitaire, de respecté, etc. Tu veux garder ton statut, tu ne vas pas le perdre. Après ta conversion, tu vas toujours être le meilleur à condition que tu vas bien comprendre la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est clair? Donc, ça me démontre en quelque sorte l'importance de la compréhension et de la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wasalam, dans Sahih Muslim, il a dit alayhi salatu wasalam, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Toute personne qui emprunte un chemin dans le but de chercher d'acquérir une connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter avec ça un chemin vers le paradis. Un chemin vers le paradis, ça veut dire à chaque fois que tu empruntes un chemin sincère, avec une intention sincère, pour aller apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ça Allah subhanahu wa ta'ala te facilite un chemin vers le paradis, vers son paradis subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On a ici un autre hadith dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, baynama huwa jalisun fil masjidi, wal nasu ma'ahu, idh aqbala nafarun thalatha. Une fois le prophète alayhi salatu wasalam, il était dans la mosquée avec ses compagnons, en train de faire un cours probablement, et soudain comme ça, il y a eu trois personnes qui sont entrées à l'intérieur de la mosquée. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois personnes? فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. Il y a un, il y a deux qui sont venus vers le prophète, alayhi salatu wasalam. Il y a un qui a rebroussé chemin, il est parti. Il a vu, il y avait un cours halaqa, il est parti, n'est-ce pas? قَالَ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. Alors les deux qui s'étaient approchés du prophète, alayhi salatu wasalam, l'un d'entre eux, il a vu un espace dans al-halqa. C'est quoi halqa? La halqa, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une halqa? Pourquoi est-ce qu'on dit on va à la halqa ce soir? C'est quoi une halqa? C'est un cercle, n'est-ce pas? C'est parce que dans le temps, ils faisaient un cercle comme ça dans la mosquée, n'est-ce pas? C'est pas comme une salle comme ça avec des chaises, etc. Ils faisaient un cercle autour d'eux. L'enseignant appelle ça une halqa, halqatu ilm. C'est un cercle de savoir, de la connaissance en quelque sorte. Donc, l'une de ces deux personnes-là a vu un espace là-bas. C'est comme s'il y avait un espace comme ça. Donc, en quelque sorte, il s'est approché du prophète, alayhi salatu wasalam. Il a pris cet espace. Et le deuxième, il n'a pas osé avancer. Il s'est assis comme ça derrière. Il est entré directement. Il a vu le cercle comme ça. Il ne voulait pas déranger les gens. Il s'est assis là où il est arrivé. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. Le troisième, il est parti. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. Une fois que le prophète alayhi salatu wasalam a fini son discours, son cours, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wasalam? Ala ukhbirukum 'ani an-nafari thalathati? Devrais-je vous parler, vous renseigner sur ces trois personnes? Il a dit alayhi salatu wasalam. Amma ahaduhum fa awa ila Allah fa awahu Allah ay awahu Allah ilayhi. Donc il dit ici le prophète alayhi salatu wasalam, l'un d'entre eux, il s'est réfugié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché de lui. Ça veut dire ça, c'est celui qui a pris l'espace, n'est-ce pas, qui était dans la halaqa, comme ça, il a vu un espace. Il voulait se rapprocher du prophète, alayhi salatu wasalam. Ça veut dire de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant proche du prophète, alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché de lui. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. Le deuxième, il était gêné, n'est-ce pas? Il était gêné et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala a eu al-haya de lui. Ici, bien sûr, c'est un haya qui est digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas haya que nous avons en tant que, ça veut dire le gêne, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a est satisfait de l'attitude de cette personne-là qui voulait apprendre la connaissance, mais il était gêné en quelque sorte, il est resté derrière. Il n'a pas osé se rapprocher, ça veut dire, malgré ça, il n'a pas perdu son estime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنُّهُ. Le troisième, il s'est détourné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné de lui, ça veut dire, il l'a exclu de, en quelque sorte, de sa miséricorde, ça veut dire de façon qui est bien sûr générale et pas de façon qui est, ou bien de façon qui est spécifique. Voyez-vous, donc, ici c'est une personne, le premier, il veut se rapprocher. Il veut tout faire pour la connaissance, même si c'est comme ça venir, tout le monde le regarde, il va aller directement comme ça, il va s'asseoir en avant, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché. Le deuxième, il voulait apprendre, mais il était gêné, il l'a fait de façon qui est discrète. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché aussi. Mais la troisième, qu'est-ce qui est arrivé à la troisième personne? Il a vu, ah, halaqat, je reviens chez moi, j'ai autre chose à faire, n'est-ce pas? Il s'est détourné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné de lui, wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ce qui nous renseigne encore une fois sur l'importance de la connaissance et des cercles de la connaissance en général. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hadith Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qui dit: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Man ja'a masjidi hadha lam ya'tihi illa li khayrin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Toute personne qui vient vers ma mosquée, ça veut dire la mosquée de la Médine, avec la seule et unique intention d'apprendre la connaissance ou bien de l'enseigner, d'acquérir du savoir ou bien de le propager, qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam? Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Il est au même statut que celui qui est fil jihad fi sabilillah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est parce qu'il est venu à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam pour partager le bien ou bien pour l'acquérir, comme dans ce hadith-là qui est authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Un autre hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ça, c'est des hadiths qui sont authentiques. Bien sûr, vous allez avoir les références dans le document qui sera fourni, inshallah ta'ala. An Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala an, qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: Iza marartum bi riyadil jannati, farta'u. Si vous passez par les jardins du paradis, alors... Farta'u, ça veut dire faites-y un tour. N'est-ce pas? Ça veut dire, tu vas dire à quelqu'un, ah, en passant, tu vas partir vers telle ville. Ah, sur ton chemin, mettons à l'autoroute, sur l'autoroute 40 ou autre chose, à tel niveau, tu vas passer par un très beau parc comme ça. Tu devrais y passer. Ça veut dire fais un tour, même si ce n'était pas ton objectif qui est initial. Il a dit, alayhi salatu wassalam, si vous passez par les jardins du paradis, alors faites-y un tour à l'intérieur pour les apprécier et pour vous réjouir. Alors ils ont dit, قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة. Ils ont dit au prophète عليه الصلاة والسلام, c'est quoi les jardins du paradis? Alors le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, مجالس الذكر. مجالس الذكر, c'est les assemblées de l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire les cercles de la connaissance. جنتي, n'est-ce pas? مجالس إذا مررتم برياض الجنة. Dans un autre hadith, hadith de Safwan ibn Assal qui a dit: Qultu ya Rasulallah, j'ai dit au prophète d'Allah, inni ji'tu atlubu al-ilm. Comme ça, il parle de façon innocente, il a dit au prophète d'Allah, je suis venu pour acquérir la connaissance, je veux apprendre ma religion. Alors qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wasallam a dit? Marhaban bi talib al-ilmi. Bienvenue à l'étudiant de la connaissance, celui qui veut apprendre sa religion. Inna talib al-ilmi la tahuffu bihi al-mala'ikatu wa tudhalliluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'daha ba'dan hatta ta'lu ila as-sama' ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Il a dit alayhi salatu wassalam, écoute bien ça, inna talib al-ilmi, certes l'étudiant, celui qui veut apprendre sa religion, celui qui veut accroître sa connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, sera entouré par les anges. Et les anges vont le couvrir avec leurs ailes. Ils vont le couvrir avec leurs ailes. Et ils vont monter, les anges, فَيَرْكَبُوا بَعْضُهَا بَعْضًا. L'un va monter sur l'autre. Comme ça, ils vont monter l'un sur l'autre. حَتَّى تَعْلُوا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel le plus bas, ça veut dire le plus proche, le premier des sept cieux. Qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam? Min hubbihim lima yatlub, en signe de reconnaissance et d'appréciation pour ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que c'est la joie chez al-malaïka, chez les anges, alayhi salam, quand ils voient quelqu'un qui vient pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est pour l'apprentissage en tant que tel. Regardons maintenant ça sous un angle qui est différent. Ça veut dire qu'on va parler des mérites de la connaissance, n'est-ce pas, selon la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, d'un angle qui est différent, qui est l'angle de la personne, ça veut dire de l'impact. Quand une personne va apprendre la religion, elle pourra faire quoi? Elle pourra passer, n'est-ce pas, l'information. Parce qu'avant de passer, tu dois acquérir, n'est-ce pas? Donc là, tu vas pouvoir transmettre aux autres. C'est quoi les mérites de pouvoir transmettre aux autres, d'avoir une telle opportunité? Il dit le prophète, alayhi salatu wasalam, « Iza mat al-insanu » Quand la personne, quand une personne meurt, inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, ses actions ne seront plus possibles. Tu ne peux plus faire de bonnes actions. Tu es mort, tu es dans ta tombe, n'est-ce pas? Tu ne peux plus te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton livre d'actions, il est fermé. Sauf trois choses. Ça, c'est l'investissement qui continue à générer des bonnes actions, même après ta mort, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? Ces trois choses-là, illa min sadaqatin jariya. Une sadaqa qui est jariya. Ça veut dire un acte de charité qui est investi de façon qui est intelligente, de façon à ce que ça soit quelque chose qui va continuer. Ça veut dire, tu peux mettre 5 dollars pour nourrir une personne. Tout comme tu peux mettre 5 dollars pour investir dans un projet, n'est-ce pas, d'une organisation qui va nourrir des personnes. Et ça, c'est une chose, et ça c'est l'autre chose. Tu vas nourrir une personne aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est très bien, tu vas voir son ajr. Mais si tu as investi de façon qui est différente, tu as trouvé une façon intelligente pour que ça soit un projet qui va s'auto-diriger par la suite, même après ta mort, il est en train de nourrir des personnes comme ça, ça va compter comme une sadaqa qui est jariya en quelque sorte. Si tu as investi dans un masjid, dans une mosquée, n'est-ce pas, tu as construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mort, mais chaque personne qui va venir faire la prière, tu vas partager et tu vas prendre la même récompense que cette personne-là jusqu'au jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ilmin yuntafa'u bihi, ou bien une connaissance qui est bénéfique aux autres personnes. Qui est bénéfique aux autres personnes ou bien à d'autres personnes, ça veut dire la connaissance, si tu vas la partager avec d'autres personnes après l'avoir acquise, qu'est-ce que tu vas avoir dans ta tombe? Allah subhanahu wa ta'ala va continuer à te donner la récompense pour toute personne qui va bénéficier de cette connaissance en quelque sorte. Et, après, et dans une autre narration en passant qui n'est pas dans Sahih Muslim, parce que ça c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim, il y a une autre narration authentique du même hadith qui dit وَعِلْمٌ أَفْشَاهُ فَعُمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ. Une connaissance qu'il avait propagée, que cette personne-là avait propagée et qui va servir pour d'autres personnes dans leurs bonnes actions après sa mort, ça veut dire une fois qu'il sera dans sa tombe. Et la troisième chose, c'est quoi? Awaladin salihin yad'u lahu, ou bien un enfant qui est pieux, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des du'a pour son père ou bien pour sa mère qui est décédée, qui est dans sa tombe. Ça, c'est les seules trois choses qui vont continuer après ta vie. Une fois que tu vas entrer dans ta tombe, c'est un investissement qui va te permettre d'allonger ta vie. Donc, en réalité, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'âge de la personne ne se compte pas seulement par l'âge que nous on connaît. Il y a quelqu'un qui va vivre 80 ans, fait peu de bonnes actions, il va entrer dans sa tombe, c'est fini. Il y a quelqu'un qui a pu vivre, mettons, 20 ans, 25 ans, n'est-ce pas? En 25 ans, il a fait quelque chose comme ça, une sadaqa jariya, ou bien il a écrit un livre comme ça, bénéfique, quelque chose comme ça, qui va exister après lui pendant des années et des décennies, et qui fait en réalité que son âge c'est 200 ans, 300 ans, 400 ans. Voyez-vous, il est dans sa tombe et les bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala continuent d'avancer et d'avancer et d'avancer. Hadith est clair? Tayyib. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wasalam dans Sahih Muslim et Al-Bukhari, ça c'est la narration de Muslim, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit la hasada illa fithnataini, il ne devrait pas y avoir de jalousie sauf dans deux situations. Ça veut dire les autres formes de jalousie sont injustifiées, ne servent à rien, Voyez-vous? Mais ces deux formes de jalousie-là sont des jalousies qui sont encouragées. C'est un bon signe. Qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam? Rajulun atahu Allahu malan. فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. Une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande richesse. Il a dépensé toute sa richesse, ou bien la majorité de sa richesse, dans le bien. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné richesse. Déjà quelqu'un qui est riche, les gens ils vont dire quoi? Chanceux. N'est-ce pas? Il est riche, il a de l'argent. Les gens vont dire, ah chanceux, regarde, il a de l'argent, c'est pas comme moi, etc. Et les gens vont être encore plus choqués de voir quelqu'un qui est tellement riche et qui après ça, toute cette richesse-là, il va la dépenser pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une personne, une telle personne, tu devrais être jalouse d'elle. Tu devrais en tant que croyant être jalouse d'une telle personne et dire, oh si seulement j'étais comme lui ou bien comme elle. Oui. Le mot halqa, c'est un cercle. Oui. Ah, je m'excuse. Halaka, na'am. Halakatihi, ça veut dire il a presque comme tout dépensé, voyez-vous? C'est comme ahlaka. Au sens, c'est comme, normalement, ahlaka, c'est comme détruire quelque chose, voyez-vous? C'est comme quelqu'un, il va corrompre sa terre, il va corrompre sa maison, etc. Mais ici, c'est au sens figuré. Ça veut dire si quelqu'un a pris sa richesse comme ça, j'en veux plus. Il a tout mis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire de quelqu'un qui était tellement riche, il est devenu presque pauvre, voyez-vous? Quelqu'un qui a pu faire une telle chose, ça veut dire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, presque tout, pour Allah. Il a pris pour la akhira, il n'a rien pris pour lui-même. Voyez-vous, donc une telle personne, on devrait être jalouse de elle. Et après ça, il dit, alayhi salatu wassalam, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Et une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une sagesse, de la connaissance, et en permanence, il est en train de juger. Il est en train de l'implémenter dans la vie des gens et il est en train aussi de l'enseigner. وَيُعَلِّمُهَا يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. يَقْضِي بِهَا, c'est quoi? C'est juger. Ça veut dire, les gens vont dire, on a un conflit, telle chose, il va dire, ah, oh, c'est ça. Moi, j'ai lu dans tel livre, je sais que tel savant, il a dit, dans votre situation, vous devez faire telle et telle chose. C'est toi qui as raison, c'est toi qui n'as pas raison. Prochain cas, telle et telle chose, voyez-vous? Et وَيُعَلِّمُهَا, il va l'enseigner. Ça aussi, c'est une personne. Il a dit, alayhi salatu wasalam, tu dois être jaloux d'une telle personne. Il a dit, alayhi salatu wasalam, ça veut dire les autres formes de jalousie sont des jalousies qui ne servent à rien et qui ne sont pas du tout justifiées en quelque sorte. Un autre hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, hadith authentique. Tous les hadiths commençants sont toujours, bien sûr, authentiques. Fais pas du faux ici. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا. Toute personne qui va entreprendre un chemin pour chercher la connaissance, pour chercher la connaissance. سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Ça, c'est déjà mentionné dans le hadith qui était avant, qui était plus court. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Mais après ça, il dit, alayhi salatu wassalam, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ. Et certes, les anges vont baisser leurs ailes, n'est-ce pas, pour l'étudiant de la religion en termes de reconnaissance pour ce qu'il est en train de faire. Et certes, le savant, regardez ce que le savant, un savant, regardez cette grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, n'est-ce pas, ce grand mérite. Que seulement ça, si c'était le mérite du savoir, si on avait mentionné juste cette partie de ce hadith, on n'aurait pas eu besoin de mentionner tous les versets, etc., etc. Il dit, alayhi salatu wassalam, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. Il dit, alayhi salatu wassalam, les créatures des cieux et de la terre implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le savant, incluant les baleines qui sont à l'intérieur de l'eau. Même les baleines dans l'océan implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le Alim, pour le savant. Ça veut dire le savant, même si lui n'a pas le temps de faire beaucoup de istighfar, il y a des millions de créatures qui font le istighfar pour lui et qui implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Pourquoi selon vous? Normalement, les baleines, c'est pas de leurs affaires, les erreurs du savant. C'est quoi? Pourquoi est-ce que le alim? Pourquoi est-ce qu'il n'implore pas le pardon pour tous les croyants, etc.? Les ulama, ils ont expliqué ça, ils ont dit parce que c'est avec les ulama, c'est avec l'effort de l'alim, n'est-ce pas, c'est avec le travail du savant qui va enseigner aux gens c'est quoi la bonne méthode de vivre dans cet univers, que tout l'univers peut vivre en paix. Voyez-vous, le alim, il va enseigner aux gens toutes choses, incluant comment te comporter avec les animaux, n'est-ce pas, comment te comporter avec la terre, etc., etc. C'est parce que quand les gens n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, quand les gens ne suivent pas le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand les gens commettent des péchés, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la corruption sur cette terre. Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit fil surat ar-Rum, n'est-ce pas, que la corruption est apparue sur la terre ainsi que dans la mer. Pourquoi? À cause de ce que les gens, ils ont fait alors avec leurs propres mains. Voyez-vous, avec la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va y avoir la corruption partout et même les baleines vont souffrir. Voyez-vous, de nos propres péchés. C'est pour ça que même les baleines font le istighfar pour le alim. C'est parce que c'est en quelque sorte la solution et c'est celui qui invite vers le bien et vers la préservation de cet univers. Oui. On va parler de ça, Inch'Allah. Quand on va parler du concept de l'ilm, on va parler de ça, Inch'Allah. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Il dit عليه الصلاة والسلام. Et la distinction, la valeur du savant comparée à la valeur de l'abid, de l'adorateur, ça veut dire de la personne qui est pieuse mais qui n'est pas un savant. C'est quoi la comparaison? Tu as quelqu'un de pieux, tu vas dire Mashallah, lui il est pieux, il fait qiyam ul-layl, il fait telle chose, il fait beaucoup d'istighfar, il jeûne beaucoup le lundi, le jeudi, etc. Mashallah, c'est excellent. Mais si tu veux comparer lui avec un alim, avec un savant, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Il dit alayhi salatu wassalam, كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. C'est comme la distinction et la valeur et la supériorité de la lune comparée aux autres étoiles. Voyez-vous? Comparée aux autres étoiles. C'est comme une grande différence entre les deux. Pourquoi une grande différence? C'est parce que quand il n'y a pas la lune, quand c'est une nuit qui est sans lune, n'est-ce pas, quand le croissant en quelque sorte est très fin, en début ou bien en fin du mois, ou bien quand le croissant est couvert par des nuages, est-ce que tu vas avoir beaucoup de lumière? Est-ce que les étoiles vont faire une grande différence? Pas vraiment. Elles ne vont pas vraiment t'éclairer le chemin, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'aussi, ce qui fait la grande différence, les gens ils vont accorder leur attention à quoi? À la lune. La lune, elle est connue, voyez-vous? La lune, elle est connue, même si en termes de forme, en réalité, physiquement, elle est plus petite que la plupart des étoiles, si ce n'est pas que toutes les étoiles. Mais les gens, habituellement, ils connaissent quoi? Ils connaissent la lune, n'est-ce pas? Si tu vas, mettons, bien sûr, ici en ville, tu ne peux pas voir ça, mais si vous allez en campagne, où il n'y a pas de lumière, etc., tu lèves ta tête comme ça, tu peux voir, subhanallah, des centaines, si ce n'est pas des milliers d'étoiles, voyez-vous? Mais est-ce que les gens les connaissent, ces étoiles? Est-ce qu'ils connaissent le nom de toute étoile? Comme ça, il va dire, ça c'est telle étoile, telle étoile. Non, c'est des étoiles, n'est-ce pas? Mais les gens, ils connaissent la lune. Parce que la lune, elle, se distingue, n'est-ce pas? Elle attire ton attention. C'est quelque chose de spécial. C'est la même chose. Les êtres humains, en tant qu'êtres humains, oui, il y a des pieux, il y a des telles choses, telle chose. Mais les gens vont garder dans leur conscience quoi? Les ulama. Les ulama, c'est comme la lune en quelque sorte, et on a mentionné même Allah subhanahu wa ta'ala quand il a fait le témoignage, shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa, son témoignage, et après ça, les anges, les malaïka alayhimus salam, et après ça, les ulama, ulul ilm, n'est-ce pas? Le reste, c'est comme les étoiles. Leur témoignage n'est pas important pour les autres, même si bien sûr, c'est bénéfique pour eux-mêmes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire le tawhid, et c'est une obligation, on le comprend. Non. Et après ça, il a dit, alayhi salatu wassalam, finalement, vous allez comprendre pourquoi vous êtes venu ici, pourquoi vous êtes inscrit à ce séminaire. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ. Et que, il dit, alayhi salatu wassalam, et les savants, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Sont les héritiers des prophètes. Et après ça, il dit, alayhi salatu wassalam, وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. Et les prophètes, parce que les prophètes et les messagers n'ont rien laissé comme héritage. Ils n'ont laissé ni une valeur d'or, ni une valeur d'argent. وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. Le seul héritage qu'ils ont laissé derrière eux, c'est la connaissance. Voyez-vous, c'est parce que les prophètes n'ont pas été envoyés pour être des rois, pour être des riches. Voyez-vous, pour être des personnes qui se distingueraient par la richesse et par la puissance. Non. Au contraire, que les prophètes La yurathun, comme le prophète alayhi salatu wasalam nous a informé dans le hadith authentique, ou comme a dit alayhi salatu wasalam, ma tarakna sadaqa. Un prophète, quand un prophète, même si un prophète avait une richesse, quand il décède, quand il quitte ce monde, il ne peut pas, ses héritiers ne peuvent pas hériter de sa richesse, de son argent. Tout ce qu'il laisse va être une sadaqa, ça va être en quelque sorte un don, une charité, voyez-vous. Donc même leurs proches, même un enfant d'un prophète ne peut rien prendre après lui. Il ne peut pas dire, moi je suis un enfant d'un prophète, je vais prendre de son argent, etc. Tu ne prends rien. La seule chose qu'une personne peut prendre des prophètes, c'est quoi ? Walakin, il dit, alayhi salatu wasalam, wa innama warrathu al-ilma. Mais la seule chose qu'ils ont laissé comme héritage, c'est al-ilm, ça veut dire la connaissance. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Alors toute personne qui a pris de cet héritage a pris une grande richesse dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. C'est clair? Ça veut dire, comme on l'a mentionné, les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes dans l'acquisition du message, dans le fait de porter le message en tant que tel, et ils sont aussi les héritiers des prophètes, surtout du prophète, alayhi salatu wasalam, dans notre umma, en termes de responsabilité. On a déjà mentionné les versets. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de lui obéir à lui, d'obéir au prophète, alayhi salatu wasalam, et après ça, si quelqu'un dit, le prophète, alayhi salatu wasalam, n'est pas vivant aujourd'hui avec nous dans ce bas monde, et tu obéis aux ulama, c'est parce que ce sont les héritiers du prophète, alayhi salatu wasalam, et ils héritent même en partie de son autorité, alayhi salatu wasalam. Un autre, oui. Oui, exactement. Jazakallahu khairan. Ce n'est pas un hadith, mais c'est probablement une parole de sagesse. Non, barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Comme le frère, il a dit, parole de sagesse, il a dit, les savants, c'est comme une bougie qui se brûle elle-même pour éclairer le chemin des autres. Non, jazakumullahu khairan. Hadith de Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, Fadlul alimi. عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. La supériorité du savant comparée à une personne qui est pieuse mais qui n'est pas savante, bien sûr, comme on va le voir, Inch'Allah, en détail dans une autre section qui va être réservée à cette question ici, Inch'Allah, quand on fait la comparaison entre le savant et le pieux, on ne parle pas ici de la comparaison entre un savant, entre guillemets, comme ça, voyou et impieux, voyez-vous, on n'est pas en train de dire, c'est comme quelqu'un, il va dire, moi je suis un savant, n'est-ce pas, je ne fais pas ma prière, quelqu'un ne fait pas sa prière, il fait le haram, etc., comme ça, il va dire, ah, moi je suis un savant, je suis meilleur que toi, parce que toi, t'es juste impieux, voyez-vous, non. On parle ici de la distinction, de la supériorité d'un pieux qui est un savant comparé à quelqu'un qui est impieux, mais qui n'est pas un savant. On va parler de ça en détail, Inch'Allah ta'ala, on va revenir sur ce point. Donc il dit, alayhi salatu wasalam, la supériorité du savant sur l'adorateur, sur le pieux, kafadli ala adnakum. C'est comme ma supériorité, ça veut dire la supériorité du prophète, alayhi salatu wasalam, comparé au moindre d'entre vous, ça veut dire au moindre des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, c'est la même chose. La distinction entre un savant et entre un adorateur, après le temps du prophète, alayhi salatu wasalam. Et après ça, il a dit, alayhi salatu wasalam, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ. Ça nous ajoute encore plus. Certes, Allah et ses anges, وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, et les habitants des cieux et de la terre, حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا, même la fourmi dans sa demeure, وَحَتَّى الْحُوتِ, et même les baleines, لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ. Tous, ils prient et ils font des invocations pour ceux qui enseignent le bien aux gens. Voyez-vous, même la fourmi, et ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, même les anges, et plus que ça, même Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle de la salat, d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la salat qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire la miséricorde. As-salatu min Allahi. Ar-Rahma, ça veut dire quand on dit Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, qu'est-ce que ça veut dire salli ala nabiyyina Muhammad? Ça veut dire que tu demandes la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète alayhi salatu wa salam. Prochain hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Ça c'est un beau hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla adh-dhikri fa idha wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Il a dit le prophète alayhi salatu wasalam, certes Allah subhanahu wa ta'ala a des anges. Regardez, parce que comme on le sait tous, les anges se distinguent par leur fonction, n'est-ce pas? Il y a des anges qui ont comme fonction la miséricorde, d'autres qui ont comme fonction la punition, d'autres qui ont comme fonction la gestion des arzak, des richesses, etc. Donc, les anges sont différents dépendamment de leur fonction. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges qui ont une fonction spécifique. Regardez, c'est quoi cette fonction? Yatufuna fit turuq. Ils sont toujours en train de voyager et de prendre, d'aller vers telle place, qu'est-ce qu'ils cherchent? Yaltamisuna ahla dhikr. Ils cherchent les gens qui implorent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, ça veut dire les gens qui cherchent, qui parlent de la science. Quand on parle bien sûr de hilaq al-dhikr, faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas faire le dhikr en groupe là, c'est pas faire des cercles comme ça pour faire le dhikr tous ensemble. Allahu Akbar, Alhamdulillah, n'est-ce pas? De le faire comme ça en une seule voix, ce n'est pas de la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a jamais enseigné de faire une telle chose. Les compagnons ne l'ont jamais fait. Sahaba radiallahu ta'ala anhum, c'est parce que le dhikr en tant que dhikr, en tant que ibadah, ça veut dire faire le dhikr avec ta langue, ça normalement, à la règle, tu le fais de façon qui est individuel, c'est parce que c'est une ibadah, c'est une question de spiritualité, c'est entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle des cercles de dhikr, c'est les cercles lors desquels on va voir les preuves de ça, inshallah, que les a'immas, c'est comme ça qu'ils ont expliqué cette chose-là, on va le voir dans dans deux ou trois séances, inshallah ta'ala. Mais ici, quand on parle de dhikr, ça veut dire les assemblées dans lesquelles on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de sa religion, on parle de son prophète, alayhi salatu wasalam, on essaye de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le dhikr, ce n'est pas juste avec la langue. Le dhikr aussi, c'est avec le cœur et avec ta réflexion. Oui. Concernant, vous avez dit le dhikr, ça se fait comme de façon individuelle, par exemple, avant la prière de l'Aïd, l'Adha ou l'Al-Fitr, les gens... Tu peux me rappeler cette question à la fin, Inch'Allah. Okay? C'est parce que ce n'est pas directement relié au sujet, et ça va nous prendre un peu de temps pour l'expliquer, Inch'Allah. Donc il dit alayhi salatu wasalam que Allah subhanahu wa ta'ala il a des anges en permanence qui sont à la recherche de cercles de d'invocation d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Fa idha wajadu qawman, dès qu'il tombe sur un cercle, il va dire ah voilà une halaqa. Les gens dans cette mosquée sont en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont dire tanadaw, ils vont dire halummu. Halumu ila hajatikum, ils vont se parler, venez, venez, venez, on a trouvé quelque chose, venez à la halaqa, n'est-ce pas? Et tous les anges vont venir à cette halaqa en quelque sorte. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samai ad-dunya. Et ils vont les couvrir avec leurs ailes jusqu'au ciel le plus bas. Ça veut dire le ciel le plus proche en quelque sorte. Ça veut dire c'est la miséricorde qui va tomber sur ces personnes-là de par la présence de ces gens-là. Et bien sûr, ça c'est une chose qui fait partie de l'invisible à laquelle nous on croit. C'est un hadith qui est authentique du prophète alayhi salatu wasalam. Et malheureusement, il y a plusieurs musulmans qui ne connaissent pas ça et qui ne donnent pas d'importance à ça. Voyez-vous, ils pensent que venir à la halaqa est trop occupé pour ça lui. Quelqu'un, mashallah, trop occupé dans sa vie. C'est quelqu'un trop important, voyez-vous. C'est trop, il est trop important pour donner une heure comme ça pour Allah subhanahu wa ta'ala par semaine ou bien pour venir à la mosquée, il va voir une halaqa. Ah, une halaqa, ok, c'est pour les autres, là, moi j'ai quelque chose d'autre à faire, etc. Et il pense que, toujours bien sûr, l'excuse c'est quoi? C'est je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, trop occupé, je n'ai pas le temps. N'est-ce pas? C'est l'excuse que tout le monde va utiliser. Bien sûr, tu peux avoir des circonstances exceptionnelles. Ce mois, tu as vraiment un grand examen, etc., de façon exceptionnelle. Mais tu ne peux pas dire toute ta vie, j'ai pas le temps. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que en disant je n'ai pas le temps, et en ne venant pas à la halaqa et au cercle de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire du mal à toi-même. C'est parce que quand tu viens pas à la halaqa, tu vas aller faire autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas pas trouver cette quiétude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ses personnes-là qui ont les anges, etc. Tu vas voir, il rentre chez lui, il va se dire j'ai du travail à faire et beaucoup de choses à faire, etc. Et il va rentrer chez lui, il a 5 heures devant lui, mais il va rien faire. Voyez-vous? Ah, je suis déprimé. Ah, je suis trop triste aujourd'hui. Ah, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Ah, bien sûr, si tu vas pas, si tu fais pas le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'es pas au lieu où les malaïka alayhim salam ils sont, si tu es toujours seulement au lieu où les gens ils parlent de la dunya, n'est-ce pas, tu passes, je sais pas moi, deux heures dans le centre d'achat et deux heures dans tel magasin et tel magasin, toujours la dunya, dunya, dunya, c'est normal que tu vas rentrer chez toi, tu vas être déprimé, tu vas être triste, etc., etc. Et ta vie va passer sans que tu ne fasses grande chose. C'est parce que oui, tu as du temps et oui, tu as libéré du temps pour tes affaires, mais tu n'as pas en quelque sorte le goût de faire et d'avancer dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas passé par ces expériences-là qui vont te redonner en quelque sorte ta quiétude et ta tranquillité à l'intérieur de ton cœur. Donc, le temps qu'on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose de perdu, c'est un investissement. Voyez-vous, c'est comme l'exemple, c'est comme les gens qui vont dire c'est comme si quelqu'un va dire « Ah, moi, j'ai pas le temps d'aller au collège, d'aller à l'université. » Parce que la vie est courte, là, je dois commencer à travailler, à me faire de l'argent. Vous, vous connaissez rien. Vous voulez faire une maîtrise, vous voulez faire un doctorat. Vous êtes en train de perdre votre temps. Regardez, moi, je me fais de l'argent. Je suis plus riche que toi, voyez-vous? Est-ce que c'est comme ça qu'on regarde les choses? Non, tu regardes plus loin. Voyez-vous, c'est un investissement. Oui, moi, je vais à l'université, je vais étudier, je me fais un diplôme, etc., etc. Mais je suis en train d'investir, c'est parce que je sais que le jour où je vais avoir mon diplôme, inshallah ta'ala, je vais entrer, moi aussi, dans le marché du travail, mais je vais avancer 10 fois plus vite que toi. Voyez-vous, c'est un investissement que tu vas sacrifier du temps pour gagner un peu plus tard. C'est la même chose. Quand tu fais un investissement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas le gagner dans un autre lieu. Non. Alors, on continue le hadith. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va demander à ses anges, qu'est-ce que vous avez trouvé mes serviteurs en train de faire? Ils vont dire, on les a trouvés en train de faire l'invocation d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, est-ce qu'ils m'ont vu? Ils vont dire, non, ils ne t'ont pas vu. Alors il va dire subhanahu wa ta'ala, qala fayaqulu wa kayfa law ra'awni qala yaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa akthara laka tasbihan. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, et qu'est-ce qui arriverait s'ils me voyaient, s'ils pouvaient voir Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là vont dire, s'ils te voyaient, ils feraient encore plus l'invocation d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est parce que maintenant ils sont dans al-ghaib, s'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont le craindre plus et l'implorer plus et se rapprocher de lui plus. Alors qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit? قال فما يسألوني قال يسألونك الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, qu'est-ce qu'ils demandent ces gens-là? Il va leur dire, ou bien les anges vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent le paradis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, et est-ce qu'ils ont vu le paradis? Les anges vont dire, non, ils n'ont pas vu le paradis. Alors ils vont dire, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, et qu'en est-il? Qu'est-ce qui arriverait s'ils voyaient le paradis? Alors les anges vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. S'ils la voyaient, ils la voudraient encore plus et ils feraient encore plus pour essayer de la voir. Et après ça, la même chose pour l'enfer. Est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Non, ils n'ont pas vu l'enfer. Et s'ils avaient vu l'enfer, alors les anges vont dire, ils feraient encore plus de travail et plus de sacrifices, plus d'efforts en quelque sorte pour s'éloigner de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, il dit alayhi salatu wasalam, ce qui est la partie du hadith qui nous intéresse pour ce sujet, il dit alayhi salatu wasalam, que Allah subhanahu wa ta'ala va dire, فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, alors je vous prends comme témoin que je leur ai pardonné à tous. J'ai pardonné à toutes les personnes qui étaient dans ce cercle de l'invocation d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. قَالَ يَقُولُ مَلَكُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. Il y a un ange là qui va intervenir. Il va dire, oh Allah, mais il y a quelqu'un, il y a une des personnes qui était présente dans ce cercle-là de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne faisait pas partie de eux. Il était là juste pour un besoin. Ça veut dire qu'il devait rencontrer quelqu'un, quelque chose comme ça. Il dit, ah, mon frère, j'ai une halaqa ce soir. Si tu veux, tu peux venir à la halaqa. Là, inshallah, à la fin de la halaqa, on va pouvoir faire nos révisions ensemble ou bien je te donne l'argent, etc., etc. Il est venu. Son objectif n'était pas de venir à La halaqa. Il est venu ici pour quelque chose de dunya, mais il se dit, ok, je vais m'asseoir et une fois qu'ils vont finir, je vais faire ça. Alors, cet ange-là est en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala que cette personne-là, il ne mérite pas d'être pardonné comme eux, c'est parce que ce n'était pas sans intention en quelque sorte. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cet ange-là que ce groupe-là, c'est le groupe qu'il n'y a pas un de leurs compagnons qui est un perdant en quelque sorte. Ça veut dire juste le simple fait d'être avec eux, tu viens de gagner la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Même si ton intention n'était pas de venir à la halaqa en tant que telle. Ça veut dire, tu es ici par accident, tu es dans la halaqa par accident et tu vas te faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu es avec des gens qui sont sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allahu alam, Allahu alam, je ne sais pas. Non. Ça, hadith qui est dans Bukhari et Muslim, on pourra, inshallah ta'ala, chercher dans les shuruh de ce hadith, inshallah, et voir est-ce que ça parle des péchés majeurs ou bien des péchés mineurs. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Moi, en fait, je me pose la question, est-ce qu'à notre époque-là, il existe des savants? Et s'ils existent, comment les reconnaître? Taïb, s'ils existent, est-ce qu'il existe des savants à notre époque aujourd'hui, la réponse est que oui. Les ulama, ils ont dit que parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est préservée, alors tu dois savoir que jusqu'à la fin des temps, il va toujours y avoir des ulama. À chaque ère, Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir des ulama, des savants, en quelque sorte, des gens de connaissance. Il y a des personnes qui les connaissent, et il y en a des personnes qui sont moins intéressées et qui ne les connaissent peut-être pas, mais il va toujours y avoir des ulama. Comment connaître les ulama? Ça, on va avoir une section sur ça, inshallah. Non. Oui. Je ne connais pas Allah. Genre, les connaisseurs ceux qui connaissent la religion d'Allah, ils seront ignorants, ils seront pervers, ils ne seront pas dignes de confiance. Ça, on va le voir plus tard, inshallah. Quand on parle de la connaissance, quand on parle du savant, le savant, ce n'est pas seulement en termes de connaissance, combien il connaît. C'est aussi en termes de conduite et d'éthique et de personnalité. C'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Innama al-ilmu al-khashiyah. Comme on va le voir, inshallah, c'est parce que c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Celui qui n'a pas la khashiyah d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un savant. Voyez-vous comment on va le voir, inshallah. Si tu vois quelqu'un avoir une personne qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne bénéficie en rien de sa connaissance, quelqu'un qui n'a aucune différence entre lui et entre un voyou de la rue, n'est-ce pas? Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, il commercialise avec sa connaissance, avec sa religion, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui est un savant, même s'il connaît 1000 livres par cœur. Voyez-vous, donc la connaissance, ce n'est pas quelque chose qui va se mesurer par la simple, en quelque sorte, rétention de l'information. C'est aussi là l'impact que ça a sur en quelque sorte, la conduite de la personne. Non. Oui. Oui, oui, l'ilm c'est pour les hommes et pour les femmes. Il peut y avoir des femmes qui sont savantes. Et ça, depuis le temps du prophète, alayhi salatu salam, l'une des savantes depuis le temps du prophète, alayhi salatu salam, sahaba, c'est Aïcha radiallahu ta'ala anha. Ça veut dire dans les livres de fiqh, on compte Aïcha radiallahu anha comme étant l'une des faqihat. Ça veut dire, vous savez que les sahaba, il y a des milliers de sahaba. Tous les sahaba sont des savants, en général. Ça veut dire qu'ils comprennent tous la religion mieux que nous, ils ont vécu avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Mais en termes de mujtahidin, ça veut dire les sahaba qui sont les références, comme ça de fiqh, tu vas dire, c'est le madhhab de tel, sahabi de tel, sahabi, il y en a quelques-uns, c'est quelques dizaines, n'est-ce pas? Tu vas dire, c'est Omar, Abu Bakr, Abdullah ibn Mas'ud, n'est-ce pas? Etc. Et là, en quelque sorte, l'une de ces opinions-là, c'est Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et même après ça, n'est-ce pas? Même après ça, il y a des ulama, imam Zahabi, etc., qui avaient des shaykha, ça veut dire sa liste de shuyur, tu vas trouver, c'est Sheikha Fulana, c'est telle femme qui était sa Sheikha. Tu vas voir par exemple Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari nous a été transmis par des voix. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre, je ne me rappelle plus, c'était au nombre de 11 ou quelque chose comme ça, mais ça veut dire ceux qui ont transmis Sahih al-Bukhari. Juste après l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, et l'un de ces narrateurs de Sahih al-Bukhari, c'est, on va te dire parfois, c'est la narration de Karima, n'est-ce pas? C'est une alima qui s'appelle de hadith qui s'appelle Karima, ça c'était son nom, ça veut dire c'était celle qui a transmis Sahih al-Bukhari. Oui. Là, pour parler maintenant devant les autres, ça c'est une autre question. Ce n'est pas une question qui est reliée au ilm en tant que tel, c'est une question qui est reliée à la question de la aura de la femme, etc., etc. Et le fait de dire, bien sûr, qu'une femme est une alima ne veut pas dire qu'elle va venir comme ça devant des hommes, etc., et leur parler, etc. Pour une question qui est reliée à le faire, qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais c'est ces étudiants qu'on a mentionnés en général, comme l'imam al-Zahabi, etc., les ulama, qui ont pris l'ilm de femmes, en général, ces femmes-là étaient des femmes qui étaient quand même assez âgées. Ça veut dire, et en général, un alim, c'est une personne qui est pas mal âgée. Ça veut dire qu'il a passé des années dans l'acquisition de la connaissance en tant que telle. Et deuxième chose, ça ne veut pas dire que ces femmes-là faisaient comme ça une halaqa dans le masjid pour tout le monde, comme ça toutes les personnes entraient, etc. C'était pour des étudiants qui étaient distingués, etc. C'est parce que pour qu'une femme ait le... en quelque sorte l'obligation ou bien la nécessité de venir enseigner comme ça de façon qui est publique, etc., à des hommes et des femmes, elle devrait, l'une des conditions, c'est qu'il n'y ait pas d'homme pour faire le même travail à sa place. Parce que normalement, la da'wa comme ça, ouverte, générale, n'est-ce pas, on ne parle pas ici de la da'wa, bien sûr, la da'wa au sens personnel, n'est-ce pas, une femme peut faire la da'wa à son mari, à son père, à son fils, à son frère, etc., à ses proches. Elle peut faire la da'wa aussi aux femmes. Elle peut faire la da'wa à un homme comme ça de façon qui est exceptionnelle. Ça veut dire, je sais pas moi, une femme comme ça, elle a son voisin comme ça, il n'est pas musulman. Et un jour comme ça, juste, elle est en train de passer, il dit, s'il vous plaît, j'ai vraiment une question très importante sur votre religion, c'est parce que moi, je suis convaincu par l'islam, etc. Il pose une question sur la religion en tant que telle. Là, c'est obligatoire de faire la da'wa. Mais quand on parle de la da'wa au sens qui est ouvert comme ça veut dire une personne qui va prendre la responsabilité de faire des cours et de faire des conférences et comme ça et comme ça. En général, c'est des hommes. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes qui sont des hommes, voyez-vous, malgré qu'il y avait des femmes aussi qui pouvaient faire la da'wa, comme Maryam alayha salam. C'était l'une des femmes qui était parfaite, comme dans le hadith du prophète alayhi salam. C'est clair? Fais comme barak. En ce qui concerne, si par exemple, il y a des émissions de télé, avec, dans le contexte qu'on veut aujourd'hui, il y a des femmes qui, vont, qui ont des émissions, et c'est des émissions de religion dans des chaînes. Non. Est-ce que c'est permis? Ça, on va laisser ça pour les personnes qui sont en charge de ces chaînes de télévision en tant que telles. C'est parce que ça les regarde directement. Je pense surtout si c'est des chaînes qui sont religieuses, etc. Ils ont leur ulama, ils ont leur savoir qui vont être responsables de leur fatwa. Mais j'aimerais juste, parce que tu viens d'apporter un point qui est important, juste pour point qui est important comme ça. Il faut faire attention. Juste cette semaine-là, j'étais en train de m'intéresser un peu à cette question. Pour les personnes qui comprennent arabe plus spécifiquement, vous savez qu'il y a de nos jours certaines chaînes islamiques, ça veut dire des chaînes de la religion, etc., qui sont en arabe, etc., etc. Voyez-vous ? Et je vais nommer comme ça par le nom, parce que ça fait partie de la nasiha, c'est obligatoire, pour ce qui est de Qanat Iqra, ainsi que Qanat Ar-Risala. Ces deux chaînes-là, n'est-ce pas ? Il y a certaines femmes qui viennent comme ça faire des discours et des cours, etc., etc., et les gens ne savent pas, mais ces femmes-là, parfois qui parlent très bien, qui peuvent, n'est-ce pas, paraître, parler de choses qui sont intéressantes, etc., elles font partie d'une secte qui s'appelle la secte de Al-Qubaysiyyat. La secte de Al-Qubaysiyyat, qui est une secte qui a été fondée, ça fait pas longtemps, par une femme qui s'appelle Munira Al-Qubaysi, en Syrie, n'est-ce pas, à Damas, qui est encore vivante. Et cette secte-là, elle a certaines caractéristiques. C'est quoi ces caractéristiques? Première chose, sa da'wa, principalement, elle s'adresse aux femmes, pas aux hommes. Donc, c'est un message seulement aux femmes. Deuxième chose, c'est une secte qui fait de la da'wa de façon qui est secrète. Ça veut dire, quand une femme, elle adhère à cette secte, l'une des conditions pour qu'elle soit acceptée, c'est qu'elle ne dise aucune information reliée à ses activités comme ça, n'est-ce pas, à l'intérieur de la secte, même pas à son mari. Ça veut dire, elle ne peut même pas dire à son mari, je vais aller à la halaqa des Qubaysiyyat maintenant. Elle n'a pas le droit de lui dire. Voyez-vous ? Troisième chose, c'est que cette secte-là cible principalement les riches, pas les pauvres, ni les femmes de classe moyenne. Plus spécifiquement, la couche qui est la couche des riches. Donc, cette femme-là qui s'appelle Munira Al-Qubaysi a commencé sa secte environ il y a 20-30 ans comme ça. Et après ça, elle a mis comme ça environ, je pense, c'est une dizaine de femmes dans certains pays, comme en Égypte, dans les pays du Golfe, etc., pour commencer à s'implémenter. Et le danger de cette secte, comme j'ai dit, c'est une secte qui est cachée, qui touche, qui travaille surtout avec la crème des gens qui sont riches et qui cible les femmes. Ça veut dire même les ulama, les savants, etc., ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Ce n'est pas comme quelqu'un, il vient à la mosquée, il va commencer à faire un cours comme ça, etc. Il va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, etc. Non, c'est quelque chose comme ça de privé, voyez-vous. C'est un courant à la marge, voyez-vous. Et ils ont certaines de leurs, entre guillemets, comme ça, sheikhat, comme ça, qu'ils appellent des anisettes, parce qu'elles n'ont pas le droit de se marier à vie. Et ils appellent ça des anisettes, ça veut dire les mademoiselles. C'est pas. On n'appelle pas ça une sheikha, tu l'appelles une mademoiselle. Elle a 70 ans, elle s'appelle mademoiselle. Voyez-vous? Et elles sont pas mal présentes dans certaines chaînes. Bon, je vais pas vous donner le nom, mais si vous voulez les distinguer, l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils vont parce qu'ils s'apparentent un peu, ils veulent s'apparenter un peu à Shia, voyez-vous, de façon qui est indirecte comme ça. Donc vous allez voir, pour ce qui est des compagnons, ils ne parlent jamais ni de Abu Bakr, ni de Omar, ni de Uthman. Ils ne parlent pas d'eux. Ils ne vont pas les critiquer, ni rien. Ce n'est pas comme Shia. Mais ils ne vont pas les mentionner en quelque sorte. Ça veut dire, ils ne vont pas dire Abu Bakr, radiyallahu anhu, une fois il était avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Non. Tout ce que vous allez entendre, c'est toujours Ali, Ali, Ali, Ali, Ali. Comme s'il n'y avait pas d'autres compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam. Bien sûr, nous, on aime Ali, radiyallahu anhu. On parle de Ali, radiyallahu anhu. Mais on parle aussi des autres compagnons. Donc, ça, c'était hors sujet un peu. Mais c'est comme j'ai dit, c'est parce que. C'est une secte qui commence à devenir active et surtout à travers ces deux chaînes. Non. D'autres questions rapidement avant de prendre la pause, Inch'Allah ? Pas d'autres questions ? طيب, on va s'arrêter à ce point. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.